La politique, est-ce le conflit avec les autres? On peut être tenté de comprendre la politique, je veux dire l'essence du politique. Certains ont parlé du concept du politique. La politique, donc, comme une activité essentiellement de protection d'un soi, de soi-même, d'un soi collectif, d'une société, contre un danger toujours venu du dehors, contre une différence radicale et dangereuse, une altérité qui est aussi une adversité et même fondamentalement une inimitié. L'auteur du concept du politique, le juriste et philosophe allemand du début du XXe siècle, qui ensuite a eu des relations compliquées avec le nazisme, Carl Schmitt, avait en effet défini le politique par la différence entre l'ami et l'ennemi. Et l'ennemi, par définition, c'est l'altérité radicale. C'est l'altérité qui s'oppose à l'identité, qui s'oppose à un soi posé comme tel, qui cherche en réalité à le détruire. Et Spinoza lui-même avait défini la haine comme le refus de ce qui tend à nous détruire, et cela semble tout à fait normal. Et bien entendu, l'une des fonctions de la politique, peut-être de la vie aussi, c'est de lutter contre les altérités qui sont des dangers pour un soi vivant, pour un être dans son existence même. Et on peut penser de ce point de vue-là que la politique, dans son ensemble, est la fonction qui étend cette protection contre l'altérité à une société, à un groupe, une altérité naturelle, parfois pensée sur le modèle de l'immunité biologique, et une altérité aussi humaine avec les autres groupes humains qui nous menacent et qui forment une altérité radicale. Encore une fois, le comble de l'altérité, c'est l'ennemi. L'ennemi pensé comme extérieur. Et pourtant, on peut se demander si l'essence même de la politique, la définition du politique, ne va pas au-delà de cette fonction protectrice contre une altérité, qui est une fonction essentielle, je pense, de toute société. Car il y a quelque chose contre quoi la politique doit nous protéger, quelque chose qui est une altérité venue de l'intérieur, un conflit intérieur à chacun de nous-mêmes, une division de la société, un peu d'ailleurs, comme dans chaque conscience humaine, nous devons lutter non seulement contre des dangers extérieurs, mais contre des dangers intérieurs. Alors bien entendu, on peut avoir envie de dire, mais cette altérité en nous, bah là aussi, c'est du dehors. Il faut chercher, disons, sans métaphore, à l'expulser, à la penser comme un dehors et à chercher un soi absolument pur de toute altérité. On pensera alors des ennemis de l'intérieur et il suffirait de les expulser, de les mettre dehors, de l'autre côté d'une frontière, objective ou subjective, de les expulser radicalement, et parfois la peine de mort elle-même a été pensée comme cette expulsion radicale d'un danger intérieur à une société. Or, peut-être que la politique, justement, nous apprend quelque chose sur nous-mêmes, sur notre identité la plus profonde, à savoir que le désaccord ne s'expulse pas, que le conflit, l'altérité n'est jamais seulement dehors, elle nous définit de l'intérieur, et la véritable politique complète consiste à lutter bien sûr contre les dangers extérieurs, mais aussi surtout peut-être contre les désaccords intérieurs qui peuvent eux aussi détruire une société menée à ce qu'on appelle la guerre civile, la destruction totale qui n'est pas moins dangereuse que l'autre. La politique complète consiste à lutter contre l'altérité négative en général, à l'extérieur comme à l'intérieur, et à construire aussi un rapport positif à l'altérité, à la différence, peut-être même au désaccord, à l'intérieur comme à l'extérieur aussi finalement. Et quand un autre grand penseur allemand de la guerre, au début du siècle précédent, Karl von Clausewitz, avait défini la guerre comme continuation de la politique, et non pas l'inverse, est-ce qu'il allait dans ce sens d'une définition de la politique par la destruction mutuelle des ennemis, ou bien est-ce que, au contraire, il voyait déjà la guerre comme un désaccord entre des sociétés qui doivent construire aussi un accord, le but de la guerre étant, comme le disait Aristote, la paix elle-même. La paix, c'est-à-dire la reconnaissance que, finalement, dans la guerre elle-même, on présuppose la rupture d'une communauté plus large, et finalement, quelque chose comme un désaccord intérieur que l'on peut et que l'on doit surmonter, où le plus difficile n'est pas de détruire l'ennemi, d'expulser l'autre dangereux, car c'est toujours une solution fictive, mais plutôt d'intégrer, de dépasser le conflit toujours intérieur, depuis l'individu lui-même jusqu'à l'ensemble de l'humanité, en passant par les sociétés politiques. De ce point de vue-là, la politique, ça n'est pas la défense d'une identité absolue contre une altérité radicale et toujours dangereuse, dangereuse, mais plutôt la reconnaissance d'une division intérieure et le passage à une harmonie entre les uns et les autres.